voudrais vous chanter une chanson qui m'a été inspirée par le décor de mon enfance, c'est-à-dire, j'ai été élevée entre deux factories. Et en français, les manufactures, j'appelais ça la factorie. Et j'ai fait une chanson qui se veut réaliste, à la manière d'Aristide Bruant, une chanson qui s'appelle « La vie de factorie » sur une musique de Jacques Fortier. Je suis venue au monde seule comme tout le monde. C'est seule que je continue ma vie. Adieu le père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factorie de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas poseuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factorie à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Il n'y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Je suis pas sûre.